Alors, on fait un deuxième enregistrement pour voir si j'ai bien tout compris. Je vais même essayer de faire un son pas trop mauvais.